j'en ai envie d'une. Je mets direct la main au paquet. Je la sors, je l'allume, l'incendie premier déclaré. Je la sors, je l'allume, dès que je l'ai vue pour la première fois. Mon cœur soudain s'est enflammé. Elle s'est jetée entre mes doigts, cette fois c'est sûr je suis grillé. Elle s'est jetée entre mes doigts, je tire dessus tant que je peux. Une bouffée de gaz impur, à chacun de mes baisers baveux qui s'envolent dans ce plage obscur. À chacun de mes baisers baveux, sache que depuis le premier volet, j'ai l'air déjà orange. Je nie mes dents blanches du passé, physiquement merci ça m'arrange. Je nie mes dents blanches du passé. Je la porte à ma bouche, je la vois se consumer. Plus je la grille, plus je la touche, et plus elle part en fumée. Plus je la grille, plus je la touche, fumée, parfumée, sensuelle. Aïe mon cœur et ma tête, je veux encore de cette belle, mais sans l'odeur maintenant en tête. Je veux encore de cette belle drogue, poliment consommée. Vas-y, éteinte, je la jette. Et avant de mettre la main au paquet, je veux fumer une cigarette. Et avant de remettre la main au paquet, je veux fumer une cigarette. C'est vrai, demain promis, j'arrête d'aller l'acheter au tabac du coin. Allez, une dernière cigarette, une de plus ou une de moins. Allez, une dernière cigarette, ce sera toujours une de plus en moins.